Les éditions de l'Avenir présentent Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N. E. Dionne, lu par Christian Martin. Chapitre 12e. Bataille du lac Champlain, 1609. Départ de Champlain, des marais, la route et de 9 Français pour la guerre contre les Iroquois. Les sauvages alliés les rejoignent. Le parti remonte la rivière des Iroquois. Arrivé au lac Champlain. Bataille sur ses bords. Iroquois mis en déroute. Festin des vainqueurs. Leur cruauté à l'égard des prisonniers. Champlain redescend à Québec avec les montagnais. Pierre de Chauvin. Champlain passe en France. Obtient une audience du roi. Sa visite à M. de Mont. Préparatif d'un nouvel embarquement. Suivant le vœu formulé par les sauvages alliés, Champlain donna l'ordre de retourner à Québec afin de leur être agréable et de se consulter avec Pontgravé, auprès il avait envoyé un exprès jusqu'à Tadoussac, lui mandant de le rejoindre au plus tôt. Deux barques chargées d'hommes se montrèrent bientôt aux yeux des sauvages qui furent éblouis de leurs costumes et de leurs armements. La date du départ pour les Iroquois étant arrivée, Champlain, Pontgravé et tous les sauvages, armés d'arcs et de flèches, s'embarquèrent le 28 juin dans des canots et des chaloupes pour remonter le fleuve. Pontgravé rebroussa chemin à Sainte-Croix et Champlain ne retint avec lui que des marais, le pilote, la route et 9 autres. C'était bien peu, mais ces hommes étaient armés d'arquebuses et ils valaient, pour cette raison, 3 ou 4 fois leur nombre de sauvages. Le départ de Sainte-Croix eut lieu le 3 juillet. Champlain signale, le long de la côte, plusieurs rivières qui, jusque-là, avaient échappé à son œil observateur. Ce sont les rivières qu'il appelle Sainte-Suzanne, Dupont et de Gênes. Le parti s'arrêta pendant 2 jours à l'entrée de la rivière des Iroquois. Un différend qui surgit entre les sauvages alliés au sujet de la guerre qu'ils venaient d'entreprendre fut cause qu'un groupe abandonna le gros de l'armée. Ce contretemps n'altéra en rien la résolution de Champlain, bien que l'occasion eût pu être favorable s'il eût voulu en profiter pour prendre aussi une autre direction. Mais ses projets de découverte auraient été entravés et, raison plus forte encore, il aurait pu se discréditer aux yeux des sauvages. Or, il était de première importance que ceux-ci eussent une bonne opinion de lui, surtout en temps de guerre, car son départ eût été une marque de lâcheté. Champlain agit donc avec sagesse en leur restant fidèle jusqu'à la fin. Les guerriers indiens continuèrent leur route vers le pays des Iroquois par la rivière Richelieu qui y menait. À 15 lieues de son embouchure, l'on se trouva en présence d'un seau ou rapide. C'était le premier obstacle sur la voie. Aucun chrétien, dit Champlain, n'était encore parvenu jusqu'à ce lieu que nous, qui eûmes assez de peine à remonter la rivière à la rame. Dans l'impossibilité de remonter le courant, il fallut faire portage. Les hommes de Champlain, que ses difficultés de navigation décourageaient, refusèrent de le suivre plus loin. Alors, Champlain s'arma d'un courage nouveau, en firent consentir 2 à l'accompagner, puis il s'embarqua, lui, 3e des Français, sur les canots indiens, franchit le rapide, arriva à une île, longue de 3 lieues, remplie des plus beaux pins qu'il eût jamais vus. Rendu de l'autre côté du rapide de Chambly, Champlain avait fait le recensement de sa petite armée. Elle ne se composait plus que de 60 hommes. Nonobstant ce petit nombre, l'on résolut de ne pas reculer dans le sentier de la guerre et l'on vint cabaner 6 lieues plus en amont, après avoir élevé une barricade comme mesure de protection contre toute agression nocturne. Ici, Champlain fut témoin des superstitions des Indiens et consultait leurs devins pour apprendre d'eux ce qui devait leur arriver dans la guerre. Ces devins, reconnus sous le nom de pilotois ou haute-moins, étaient des fourbes de la pire espèce, de sans-parole n'en disant pas 2 véritables. Le lendemain, Champlain poursuivit sa route en canot et arriva à un grand lac où il y avait nombre de belles îles basses, couvertes de prairies et de bois, que fréquentaient les cerfs, les daims, les chevreuils et les ours. Les bords du lac, bien que plaisants, ne portait aucune trace d'habitation, car les Iroquois préféraient vivre au fond des bois plutôt qu'auprès des lacs et des rivières, où ils eussent été trop exposés à la vue de leurs ennemis. En pénétrant dans un lac le jour suivant, Champlain aperçut quatre grandes îles, autrefois habitées, et le lac, auquel il donna son nom, pouvait mesurer, dit-il, 80 lieues de long. Mais c'est une erreur, car le lac Champlain n'a pas plus de 30 lieues. Du côté de l'est se dressaient de hautes murailles, dont les sommets étaient encore couverts de neige. Les Algonquins lui dirent que c'était par là que demeuraient les Iroquois, que, pour les atteindre, il fallait passer par un seau, et de là, entrer dans un autre lac qui avait 3 ou 4 lieues de long. Qu'étant parvenu en haut de celui-ci, il fallait faire 4 lieues de chemin par terre et passer une rivière, l'Hudson, qui allait tomber à la côte de la Norembeg et qui ne mettait que 2 jours pour s'y rendre avec leurs canons. L'on approchait ainsi à petite journée du pays des Iroquois et, pour ne pas s'exposer à tomber dans quelque embuscade, la prudence leur commandait de ne voyager que de nuit. Le jour était consacré au repos et aussitôt que les ténèbres approchaient, on s'avançait en silence, amortissant autant que possible le bruit des rames. Un jour qu'il s'était livré au sommeil au plus épais d'un bois, Champlain vit en songe les Iroquois qui se noyaient dans le lac, près d'une montagne. Les ayant voulu secourir, les sauvages alliés l'en détournèrent, en disant qu'il fallait les laisser périr comme ils méritaient. Lorsqu'il fut réveillé, les sauvages vinrent lui demander, suivant leur habitude, s'il avait fait quelque rêve. Il leur raconta celui qu'il avait eu, ils ne doutèrent plus que le sort des armes ne tournât en leur faveur. Un soir, les canots venaient d'être lancés à l'eau et les rameurs voguaient tranquillement et sans bruit sur la surface limpide du lac Champlain lorsqu'on aperçut au clair de la lune l'armée des Iroquois qui filaient le long d'un cap dans des canots, courant sus à leurs ennemis dont la présence en ces lieux leur avait été sans doute annoncée par des éclaireurs. Aussitôt, des cris terribles éclatèrent au milieu de cette flottille, auxquels répondirent comme un écho les compagnons de Champlain. Mais l'heure étant trop avancée, on dut attendre au jour pour en venir à un engagement. Les Iroquois se barricadèrent de leur mieux, et les sauvages alliés prirent terre à environ une portée de flèches de leurs ennemis. La nuit se passa en danses et chansons, mêlées d'injures et de provocations insolentes que l'on s'échangeait d'un camp à l'autre. Dès le point du jour, les Iroquois, au nombre de 200, commandés par 3 chefs qu'il était aisé de reconnaître par leurs panaches emplumés, s'avancèrent au petit pas, avec gravité et assurance. Les alliés s'avancèrent dans le même ordre jusqu'à une distance raisonnable et, ouvrant tout à coup leur rang, ils appelèrent Champlain à grands cris. Celui-ci parut aussitôt, l'arquebuse au bras, et marcha seul jusqu'à ce qu'il fût à 30 pas de l'ennemi. Cette démarche audacieuse de la part d'un homme aussi étrangement vêtu étonna tellement les Iroquois qu'ils tinrent leurs armes en suspens, comme si la présence de ce guerrier à l'allure superbe avait paralysé leurs bras. Cependant, le premier moment de surprise passé, ils s'ébranlèrent de nouveau pour décocher leurs flèches, visant surtout Champlain. Celui-ci ne perdit pas de temps, couchant en joue un des chefs avec son arquebuse chargée de 4 balles, et de ce coup, 2 furent frappés à mort et un 3e reçut une blessure mortelle. Pendant que des 2 armées l'on s'envoyait des grêles de flèches, qui, pour la plupart, allaient se briser sur les cuirasses des Indiens, Champlain rechargeait son arquebuse et un des Français, embusqué sur la lisière du bois, lâcha à son tour un coup de mousquet qui acheva de faire perdre contenance aux Iroquois. Voyant leur chef abattu, sans pouvoir se rendre compte de quelle manière, ils lâchèrent pied et s'enfoncèrent dans le bois, courant de toute la force de leurs jambes. Les alliés en tuèrent plusieurs et firent 12 de prisonniers. Il n'y eut que 15 ou 16 blessés de leur côté qui se remirent promptement. La victoire était restée aux amis de Champlain. Il ne leur avait pas coûté beaucoup d'efforts. Champlain et ses 2 Français avaient plus fait pour dérouter l'ennemi qu'eux avec leurs flèches impuissantes. Aussi se déclarèrent-ils satisfaits. Les Iroquois avaient tout abandonné derrière eux, armes et provisions. Ce fut l'occasion pour les vainqueurs de festiner aux dépens des fuyards. Pendant 3 heures, les échos des bois redirent les chansons et les clameurs bruyantes des alliés de Champlain. Puis, sonna l'heure du retour. Cette journée-là, l'on ne fit que 8 lieues. Quand vint le soir, l'on commença à torturer des prisonniers en présence de Champlain. Le premier appelé, eut à subir une longue harangue, lui rappelant les cruautés de sa nation et l'exhortant à supporter la mort terrible qui lui était réservée. Alors, cet infortuné entonna un chant fort triste à ouïr. Pendant ce temps, les Indiens allumèrent un grand feu, puis ils en tirèrent chacun un tison, en firent brûler peu à peu leurs prisonniers pour que ses souffrances fussent plus atroces. Parfois, ils lui jetaient de l'eau sur le dos, ils lui arrachaient les ongles et lui mettaient du feu à l'extrémité des doigts. Ils lui enlevèrent une partie de la peau du crâne et firent dégoutter de la graisse brûlante sur la partie musanée. Ils lui percèrent les bras au-dessus des poignets et, tirant ses nerfs avec des baguettes, les arrachèrent avec force. Quand ils ne les pouvaient avoir, ils les coupaient. Au milieu de ces tortures abominables, le prisonnier Iroquois faisait encore entendre son chant courageux et, sauf des cris aigus que de temps à autre il ne pouvait réprimer, on eût dit que sa constance avait vaincu la douleur. Champlain était resté jusque-là paisible spectateur de cette scène digne des lieux infernaux. Afin de ne pas être en reste de politesse à son égard, les sauvages le prièrent de prendre un tison ardent pour l'appliquer sur les chairs de l'Iroquois demi-rôti. Champlain leur fit comprendre que cette coutume de martyriser les prisonniers était inconnue dans son pays et qu'il avait tellement horreur de ce spectacle que, s'ils y consentaient, ils l'achèveraient d'un coup d'arquebuse. Ces barbares ne voulurent pas parce que, disait-il, ils ne sentiraient point son mal. Alors, Champlain abandonna le théâtre de cette orgie de torture et se retira à l'écart, faisant mine d'être fâché. Ils le rappelèrent et l'autorisèrent à agir comme bon lui semblerait. Champlain termina d'un seul coup les souffrances de la pauvre victime. Mais les féroces Indiens ne se contentèrent pas d'avoir tyrannisé leur prisonnier. Ils s'acharnèrent ensuite à son cadavre, qu'ils ouvrirent, jetant ensuite ses entrailles dans le lac. Ils lui coupèrent la tête, les bras et les jambes, ne réservant que la peau du crâne comme trophée de leur victoire. Ils poussèrent la méchanceté jusqu'à essayer de faire manger de force le cœur du mort aux autres prisonniers. Après en avoir mis dans leur bouche, ceux-ci refusèrent de l'avaler. « Voilà, » dit Champlain, « comme ces peuples se gouvernent à l'endroit de ceux qu'ils prennent en guerre. Il mieux vaudrait pour eux mourir en combattant ou se faire tuer à la chasse, comme il y en a beaucoup qui font, plutôt que de tomber entre les mains de leurs ennemis. » Après cette exécution, Français et Sauvages redescendirent le cours de la rivière des Iroquois, et la séparation se fit, non sans des protestations d'amitié de part et d'autre. Champlain promit de les visiter plus tard et de les assister comme des frères. Les montagnais s'en revinrent avec lui jusqu'à Québec, où il leur fit donner du pain, des pois et des patenôtres qu'ils avaient demandés pour emparer la tête de leurs prisonniers. Champlain les reconduisit jusqu'à Tadoussac. Les femmes les ayant aperçus se jetèrent à la nage au-devant des canots, puis, s'emparant des crânes que leurs maris portaient au bout des bâtons, elles les suspendirent à leur cou comme une chaîne de métal précieux. Quelques jours après, les montagnais prièrent Champlain d'accepter, pour montrer au roi, une de ses têtes et une paire d'armes enlevées sur l'ennemi. Pont Gravé n'était pas encore de retour de Gaspé. Champlain ne l'attendit pas et retourna à son habitation. Quelques Algonquins, qui s'y trouvaient fortuitement, lui exprimèrent leur chagrin de n'avoir pu prendre part à la dernière guerre et lui firent cadeau de plusieurs pots de castor en témoignage de leur amitié et de leur reconnaissance. Quelques jours plus tard, Champlain retourna à Tadoussac y rencontrer Pont Gravé, car il y avait plusieurs questions à régler avant de partir pour la France. Il fut résolu de mettre le commandement de l'habitation au capitaine Pierre de Chauvin, de Dieppe. « Honnête homme, » dit Champlain. On lui laissait 15 ouvriers à diriger, avec instruction d'attendre, jusqu'à l'année suivante, les ordres de M. Demont, avant d'abandonner son poste. Parti de Tadoussac le 5 septembre, Champlain et Pontgravé débarquèrent à Honfleur le 13 octobre. Champlain avait séjourné dans la Nouvelle-France depuis le commencement de juillet de l'année précédente. Durant ces 14 mois, il n'avait pas perdu son temps. Il avait choisi le site de son habitation, future métropole de la colonie française. Il y avait élevé un fort et un magasin. Il avait aussi exploré une partie importante du pays. Aussi avait-il traversé la mer avec la satisfaction d'avoir amplement rempli la promesse qu'il avait faite à M. Demont de ne pas s'épargner pour découvrir des terres nouvelles, d'étudier les mœurs et coutumes des indigènes et de s'en faire des amis afin de faciliter le trafic des fourrures. Champlain avait visité une partie du Saguenay. les environs de Québec lui étaient devenus familiers, ayant examiné en détail les rivières et les ruisseaux tributaires du Saint-Laurent et de la rivière Sainte-Croix. Il avait revu le Saint-Laurent jusqu'à la rivière des Iroquois, dont il avait suivi le cours jusqu'au lac Champlain, d'où était l'origine. Les Montagnais, les Algonquins et les Hurons n'étaient plus des étrangers. Il avait renouvelé connaissance avec Anadabijou et fait un pacte d'amitié avec Iroquois et Okataguin, trois des plus illustres chefs de ces tribus. Il avait appris de quelle manière ils faisaient la guerre et comment ils se comportaient à l'égard de leurs prisonniers. Tout ce que nous avons rapporté au cours des trois chapitres précédents au sujet du fondateur de Québec établit suffisamment qu'il fit preuve d'une activité peu ordinaire dans ses entreprises, de quelque nature qu'elles fussent. De retour en France, Champlain ne resta pas inactif. À Honfleur, il ne fit qu'un bref séjour. Ayant appris que M. de Monts était à Fontainebleau, où résidait aussi le roi Henri IV, il n'eut rien de plus pressé que de prendre la poste, seul moyen de locomotion qui s'offrait à lui, pour aller rendre compte de son voyage. Ce fut au roi d'abord qu'il raconta ses découvertes, sa bataille avec les Iroquois et ses espérances dans l'avenir du Canada comme champ de colonisation. Henri prit beaucoup de plaisir à écouter ses récits, qui avaient au moins le mérite de la nouveauté, et lui exprima sa plus vive satisfaction. Avant de se retirer, Champlain lui offrit une ceinture de porc-épic, tissée avec tout l'art que les sauvages savent mettre dans la confection des travaux de ce genre, deux petits oiseaux incarnats et une tête de poisson qu'il avait pris dans le lac Champlain. La deuxième visite fut pour M. de Monts. Celle-là n'était pas la moins importante car le sort de l'habitation de Québec reposait en grande partie sur son bon vouloir. Après avoir écouté attentivement l'exposé fidèle que lui fit Champlain de sa conduite pendant son séjour au Canada, de Monts ne voulut rien décider par lui-même sur ce qu'il y aurait à faire dans le futur. Il résolut de consulter Collier et Legendre, ses associés, tous deux marchands à Rouen, et d'aviser ensuite. Après mûre délibération, ils statuèrent que l'habitation serait parachevée et que l'on pousserait, aussi loin que possible, les découvertes dans le Saint-Laurent, à l'aide des Hurons qui exigeaient en retour l'appui des Français dans leur guerre. Montgravé serait chargé de faire la traite à Tadoussac et d'autres négoces dont la société pourrait tirer quelques revenus pour subvenir à ses dépenses. En attendant le nouvel embarquement, le gendre verrait à l'achat des vivres et des marchandises, à l'affrètement des vaisseaux et au recrutement des équipages. Ces négociations terminées, de Monts et Champlain reprirent le chemin de Paris pour régler le point capital de l'affaire. La commission qui octroyait à de Monts le privilège de la traite pour un an était expirée et il s'attendait à obtenir le renouvellement. Mais ces démarches, tout justes et raisonnables qu'elles étaient, échouèrent devant les protestations des marchands de la Bretagne et de la Normandie. Ceux-ci prétendaient toujours que pareil monopole était ruineux pour leur commerce et le roi finissait par se laisser convaincre qu'il ne demandait que justice. De guerre lasse, de Monts eut recours à ses anciens associés qui avaient déjà fait des sacrifices assez notables pour fonder Québec. Deux vaisseaux furent armés à leurs frais. Pontgravé reçut le commandement de l'un d'eux pour la traite et l'autre devait servir à transporter au Canada les objets nécessaires à l'habitation ainsi qu'aux découvertes. Bien que Champlain surveillât de près les moindres incidents relatifs à Québec, il n'avait encore rien pu savoir des intentions de M. de Monts à son égard. Il avait bien ouï dire que l'on voulait se dispenser de ses services, mais il ne s'arrêtait pas à cette pensée contrariante. Ne valait-il pas mieux s'ouvrir franchement au chef de la compagnie afin d'en avoir une décision? C'est ce qu'il fit. M. de Monts lui donna pleine liberté de faire comme il l'entendait. Rassuré par cette parole, Champlain prit aussitôt le parti de retourner au Canada et il laissa Paris pour Honfleur dans les derniers jours de février 1610. Pontgravé et Legendre y étaient déjà rendus, occupés à charger les vaisseaux de provisions. Champlain voulut se rendre compte par lui-même de la qualité et de la quantité des vivres et il trouva qu'il y en avait assez pour le temps qu'il se proposait de rester à Québec. Les Éditions de l'Avenir vous ont présenté le chapitre 12 de Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attribution Non-Commercial Non-Derivatives et est une production 2011 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.